moko tambolaka, la terre tourne, ngo mabele. Mbonge ya mabala eko panzana na mopepe ya loyenge na kati ya Kinshasa. Mabala ya bomwana ebimisa bana babo makate. Tika niko silisa maloba na poswa na o boko zwa rien. Asali o nini bomona kimpasye longo. de divorcer est la cause de se marier. Mais il faut pas un prêtre, faut pas monsieur le maire, et il faut même pas les parents. On se marie pour mourir avec, c'est pas possible. Comment se faire abandonner comme ça? Et les enfants, où on va les foutre? Et leur éducation? Est-ce que...